1, Mills, Jackpot, Buzzmonter, Billy X, let's go. Je vois que c'est déjà l'été, que le soleil vient de se lever. Ma chérie à mes côtés, je suis pas fatigué. J'emmène même mes petits déjeuners. Aujourd'hui je veux pas de journée studio, je veux m'évader sans une plage en son évier. Voir le corps d'une femme transpirée en train de crier. Bébé laisse-moi t'offrir un week-end long, un week-end dont tu rêvais. Le week-end que tu n'oublieras jamais, je veux voir recouvert de ça et joli pied. Non mais allô quoi? Je veux pas à Nabila. Nabila. Je veux même danser la salsa à Cruella. Que tu veuilles ou pas, je passerai une journée à la playa avec ou sans toi. Il est l'heure de se lever, une belle journée est annoncée. Enfin me voilà arrivé, tout est déjà programmé. Comme et quand se va, tout à bord direction la playa. Je peux pas rester à la casa, je repense il y a quelques mois de ça. Où j'avais dit à quelques potos que comme quoi j'avais besoin d'air. Il fallait que je change de terre pour mes vacances. Surtout pas rester en France, encore pire, son île de France. Il faut que j'aille découvrir de nouvelles cultures. J'espère que ça sera une putain d'aventure. Quelques jours plus tard, direction le bar pour boire un petit cocktail sur un transat au soleil. Tout d'un coup, je vois un mec en costard cravate passer devant moi. Ça me fait penser que comme quoi, c'est déjà la fin de mon séjour. Dans deux jours, je serai de retour à Paris. J'ai du mal à partir. Je veux rester, mais lundi faut que j'aille bosser. Bosser, c'est la dure réalité. Dans cette société, on peut pas glander. Je pense à tous ceux qui sont pas partis durant tout l'été. Ils ont taffé, taffé. Mix, jackpot, Millie X sur besoin d'air. Faites partager au maximum.